l'association au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique et mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge. Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin. Nous voulons des sambas, c'est un peu de notre pays, nous voulons chanter cette mélodie du Brésil heureux. Voilà le sens de cette air du carnaval de Rio que vous entendez en ce moment. Oui, espérons, Roland Martin, que malgré les difficultés politiques actuelles, le carnaval de Rio restera cette année fidèle à sa tradition qui l'a rendu célèbre. Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque. Et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions. Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Nous nous y étions doucement accoutumés, en fait, paresseusement. Le Brésil semblait en passe, au tournant des 20e et 21e siècles, de s'affirmer au centre de l'Amérique latine comme une démocratie solide. Depuis l'Europe, les dizaines de millions d'habitants que le gouvernement de Lula avait réussi à sortir des abîmes de la pauvreté paraissaient voués à constituer, en dépit de tous les défis de la corruption et du crime organisé, un socle neuf pour les libertés publiques et pour le respect des droits de chacun. Le Brésil s'affichait d'ailleurs, à partir de ce socle, comme un nouvel acteur important sur la scène internationale et pas seulement sur son continent. Il devenait un partenaire majeur des fameux BRICS, s'étant associé à la Russie, à l'Inde, à la Chine et à l'Afrique du Sud. Ce fut donc un choc pour tous ceux qui ne regardaient le Brésil qu'à distance d'apprendre qu'il basculait lors de la dernière élection présidentielle en octobre 2018 dans les mains d'un homme, Jair Bolsonaro, qui proclamait son admiration pour la période de la dictature. La dictature surgit voici un demi-siècle et qui avait opprimé le pays durant deux décennies, de 1964 à 1985. Une question s'impose, par conséquent, faut-il vraiment discerner dans les événements récents un sombre rebond ? Faut-il s'attendre, quelles que soient les mutations du monde dans l'intervalle, à une sinistre répétition. Considérer de près cette époque faussement lointaine, la rapprocher de la nôtre, c'est une manière d'analyser les forces qui aujourd'hui sont au travail dans un pays dont l'histoire est si riche de nobles héritages, en même temps que de lourdes douleurs. J'ai choisi d'inviter Anaïs Fléchet pour éclairer cela parce qu'elle est, parmi la jeune génération des spécialistes de l'Amérique latine, une figure déjà reconnue. Elle est maître de conférences à l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines et membre junior de l'Institut universitaire de France. Et pour commencer, je vous propose un extrait du discours de Jair Bolsonaro lors du vote de l'impeachment de Dilma Rousseff, précédente présidente, le 17 avril 2016. Et je demanderai à Anaïs Fléchet, qui est devant moi, de bien vouloir nous en dire le contenu. Mais tout en l'écoutant déjà, certains mots, j'imagine, jailliront à votre attention. Perderam em 64. Perderam agora em 2016. Pela família e pela inocência das crianças em sala de aula que o PT nunca teve. Contra o comunismo, pela nossa liberdade. Contra o Foro de São Paulo, pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Como vota, deputado? Pelo exército de Caxias. Como vota? Pelas nossas forças armadas. Por um Brasil acima de tudo e por Deus acima de todos. O meu voto é sim. Jair Bolsonaro, PSC do Rio de Janeiro, votou sim. Acumulado 236 votos. Como vota a deputada Jandira Fegali? Anaïs Fléchet, bonjour. Bonjour. Que nous a dit le nouveau président du Brésil, Bolsonaro ? Alors Bolsonaro, dans ce discours, on est en avril 2016, c'est un discours qui est très important pour lui puisqu'il est retransmis en direct à la télévision, d'ailleurs par toutes les chaînes les plus importantes de télévision du pays. Et donc c'est un moment de grande visibilité pour Bolsonaro. Et ce qu'il dit, c'est la chose suivante, si je traduis au plus proche, ils ont perdu en 1964, ils vont perdre aujourd'hui en 2016. Pour la famille, pour le respect de l'innocence des enfants dans les écoles, contre le communisme, pour la mémoire du colonel Carlos Alberto Brilhante Ustra, la terreur de Dilma Rousseff, pour nos forces armées, pour le Brésil au-dessus de tout et pour Dieu au-dessus de tous, je vote oui. Alors, fait-il référence ici? Il mentionne explicitement le colonel Ustra, qui a été un des principaux responsables du centre de répression politique de São Paulo, où la présidente Dilma Rousseff, on est encore en 2016, a longtemps été torturée pendant la dictature au début des années 1970. Il n'y a pas plus provocateur que cette allusion. C'est vraiment un acte d'une très grande transgression, puisqu'il porte l'apologie de la torture au sein même du Parlement, qui est l'institution qui était censée assurer la transition démocratique et le devenir démocratique du pays. Et donc on est vraiment dans une logique de transgression. Ce que fait Bolsonaro par ses paroles, c'est finalement de briser un des tabous majeurs de la nouvelle République brésilienne, celle qui s'est construite après la transition, à partir de 1988, qui était l'idée du « nunca mais », du « plus jamais ça », « plus jamais de dictature au Brésil ». Et Bolsonaro renverse la perspective en ramenant le colonel Ustra, c'est-à-dire vraiment l'un des pires tortionnaires de la période de la dictature, sur la place publique et avec une vision tout à fait positive. Avec un éloge qui a évidemment impressionné. Oui. On est là 2 ans et demi avant l'arrivée au pouvoir de Bolsonaro, le 1er janvier dernier, 2019, après son élection d'octobre. Quel genre d'homme est-ce? J'ai lu que, un peu partout, nous avons lu que son ascension a surpris les observateurs de la vie politique, car pendant longtemps il a été assez obscur. Oui, c'était un personnage très typique de ce qu'on appelle au Brésil le bas clergé de la Chambre des députés, c'est-à-dire vraiment un petit parlementaire sans grande envergure politique qui se préoccupait avant tout de représenter les intérêts de son clan, de sa famille proche d'ailleurs, puisque tous ses fils sont aussi aujourd'hui entrés en politique. Non sans rumeur autour de leurs éventuelles prévarications. Effectivement. Alors, c'est un militaire à l'origine. Pour revenir à Bolsonaro, oui, c'est un militaire à l'origine. Il a été formé à l'école des cadets, puis à l'académie militaire de Agulhas Negras dans les années 1970. C'était la principale école militaire du pays à l'époque. Donc il a été formé pendant la dictature. Il est devenu ensuite soldat, puis capitaine d'artillerie. Il a été finalement renvoyé de l'armée en 1986 parce qu'il avait pris la tête d'un mouvement de militaires pour une augmentation des soldes. En fait, il était donc dans des revendications qu'il avait rendues publiques, ce qui lui a valu d'être envoyé de l'armée. Un meneur déjà. Et c'est à ce moment-là qu'il décide de rentrer en politique. D'abord, il est élu conseiller municipal à Rio de Janeiro, sa ville, puis député fédéral en 1990. Et à partir de cette date, il a été réélu périodiquement comme député fédéral. Donc, une personnalité présente depuis 1990, sans grande logique partisane. Il a appartenu successivement à 7 partis. Et, on se promène beaucoup au Brésil, je crois. Il y a des girovagues d'un parti à l'autre, non? Ce n'est pas exceptionnel. Oui, la tradition partisane n'est pas vraiment ancrée. Donc, un personnage vraiment typique de la vie politique brésilienne et de ce bas clergé de la Chambre, un petit parlementaire dont on avait peu entendu parler finalement avant ce 17 avril 2016 et ce discours où il attaque Dilma Rousseff en mentionnant donc le souvenir de la dictature militaire. Et en dédiant son vote au colonel Ustra, Bolsonaro réactive finalement tout l'imaginaire de la dictature et de la guerre froide. Avec, on l'a entendu, la défense de la famille, des enfants innocents, la lutte contre le communisme aussi, l'exaltation de la patrie et des forces armées. Et la violence admise et même prônée. Oui, parce que c'est pas simplement un discours nostalgique de la dictature, c'est la ligne dure des militaires qui est mise en avant à travers la figure du colonel Oustra. Et d'ailleurs, tout au long de la campagne, Bolsonaro a eu plusieurs déclarations très fortes à ce propos, parce que pour lui, il ne s'agit pas uniquement de justifier les militaires parce qu'il serait une sorte de théorie des deux démons, mais bien de dire la dictature, au fond, a été une bonne chose pour le pays. Elle a péché quand même parce qu'elle n'a pas fini le travail. On n'en a pas tué assez. Il faut que la répression aurait dû aller plus loin. Et je suis là pour finir le travail, en quelque sorte. Donc c'est vraiment l'idée d'une guerre perpétuelle qui est activée dans ces discours de campagne. Oui, il y a là une rupture, parce que jusque-là, les souvenirs de cette dictature de deux décennies n'étaient pas dans les médias, dans l'enseignement ou ailleurs, n'étaient pas considérés en bonne part pour l'essentiel. Donc une résurgence. Portons-nous donc jusqu'au 4 avril 1964, c'est-à-dire l'arrivée de la dictature, que vous allez ensuite situer dans la plus longue durée de l'histoire politique du Brésil. C'est un reportage qui est diffusé sur la seconde chaîne. Renversé par la coalition implacable de ses ennemis politiques et des principaux chefs militaires du pays, le président Goulart n'est plus aujourd'hui qu'un exilé qui a cherché asile en Uruguay, où il doit méditer sur la fragilité et l'impuissance du soutien populaire dont il se croyait assuré. Des milliers d'habitants de Rio de Janeiro, partisans du progrès dans l'ordre, devise du drapeau national, ont applaudi la chute de celui qui déclarait vouloir défier les puissances d'argent et les intérêts étrangers. Quant aux cadres de l'armée de terre qui passaient pour soutenir inconditionnellement le pouvoir légal, ils ont pour la première fois dans l'histoire du Brésil soutenu un coup de force dirigé contre les autorités constituées. Au lendemain du coup d'État, tandis que les vainqueurs commencent à se disputer âprement les fruits de leur victoire, plusieurs leaders de droite n'ont pas hésité à exprimer publiquement leur inquiétude devant la vague de terreur anticommuniste déclenchée à travers le pays par le redoutable gouverneur Lacerda que soutiennent ses partisans enthousiastes. Mais le gouvernement des États-Unis ne dissimule pas sa satisfaction et le secrétaire d'État américain M. Dean Rusk a déclaré notamment hier soir « Beaucoup de Brésiliens exprimaient leur inquiétude, inquiétude que nous partagions devant l'influence grandissante que les extrémistes de gauche exercé dans le gouvernement de M. Goulart. » Dean Rusk, c'était le ministre des Affaires étrangères de Johnson qui avait succédé à Kennedy après l'assassinat de celui-ci. Au Brésil, il n'y a pas une tradition de coup d'État militaire antérieur, contrairement à ce que l'on constate dans beaucoup d'autres pays. Disons qu'au Brésil, l'idée du pronunciamiento est moins développée que dans le reste de l'Amérique latine, puisque si on prend l'histoire du pays depuis son indépendance, on a eu une phase de grande stabilité politique en comparaison avec le reste de l'Amérique latine qui a été assurée par l'empereur Pedro II et par cet empire du Brésil qui a été instauré au moment de l'indépendance en 1822. Et ce n'est qu'en 1889, mais là aussi avec une action des militaires, que l'empire est tombé et que la République a été instaurée au Brésil. La République a été en gros oligarchique. Oui, complètement. Et qui, d'ailleurs, était dans son fonctionnement démocratique très limité, comme d'ailleurs l'était la démocratie même au début des années 1960, puisque à cette époque, encore, les analphabètes, soit près de 40% de la population, étaient exclus du suffrage universel au Brésil. Il restait d'une certaine façon un suffrage, sinon censitaire, du moins élitiste par là même. Il faut se rappeler peut-être que l'esclavage n'a été supprimé qu'à la fin du 19e siècle. C'est un triste record absolu. Oui, l'esclavage a été aboli en 1888, donc à la veille de la chute de l'Empire et de l'instauration de ce qu'on appelle aujourd'hui la Vieille République, donc cette première période républicaine de l'histoire du Brésil. République qu'on appelait aussi Café com Leite, parce qu'elle représentait les intérêts café au lait, donc des États producteurs de café et des États producteurs de lait, donc dans une logique tout à fait oligarchique, comme vous venez de le mentionner. Avant d'en arriver à 64, il faut dire aussi un mot de la personnalité qui apparaît comme assez tutélaire, ou en tout cas mythique, qui est celle de Vargas. Oui, Getúlio Vargas, qui est à l'origine d'un premier moment autoritaire dans l'histoire du Brésil au XXe siècle. Il a commencé comme un dictateur et finit presque social-démocrate, c'est étrange. Oui, il a instauré dans les années 1930 le fameux régime de l'État nouveau, Estado Novo, avec une forte répression politique, notamment à partir de 1937. Et il revient au pouvoir après la Seconde Guerre mondiale, dans le cadre d'une nouvelle république qui ouvre une phase de démocratisation du pays. Et donc là, avec un profil effectivement plus légaliste, plus républicain. Ceci dit, Getúlio Vargas, qui est vraiment l'incarnation du leader populiste dans toute sa splendeur, avec donc un aspect autoritaire, mais aussi un aspect plus proche d'une gauche un peu sociale, avec un projet réformateur. Perón. On pourrait le comparer à Perón. En Argentine, à cet égard, bien sûr. Vargas, dans les années, début des années 1950, est confronté à de nombreuses résistances de la part de la droite libérale, de la part des militaires aussi. Donc il y a déjà dans ces années 1950 des coups d'État qui se préparent et qui sont évités, enfin coup d'État qui est évité par le suicide de Getúlio Vargas en 1954, qui est un grand moment d'émotion nationale. Suicide théâtral. Oui, il est encore au pouvoir, et donc c'est vraiment un moment très très fort. Donc suicide du palais présidentiel et l'enterrement aussi de Vargas qui a drainé des foules à travers tout le pays, qui est un événement très bien documenté. Donc ce suicide, par la surprise qu'il crée, par l'émotion populaire, porte un coup d'arrêt aux tentatives de coup d'État militaire et s'ouvre alors une phase de relative stabilité avec des années fastes, celle de Juscelino Kubitschek, qui arrive à la présidence en 1956. Et le père de Brasilia. Voilà, donc on est dans une période de grande croissance économique, un projet très modernisateur avec l'inauguration de cette nouvelle capitale, avec l'idée de porter le développement au cœur du Brésil, de tourner le dos un peu à l'océan Atlantique et de plonger vers l'intérieur, et donc d'instaurer cette capitale, effectivement, dans le plateau central brésilien, là où il n'y avait rien. L'architecte Niemeyer en étant le père. Voilà. Donc, inauguration de la capitale en 1960. On a des années vraiment très optimistes, très fortes dans la mémoire brésilienne aujourd'hui encore. Et puis, début des années 1960, retour de la crise, retour de l'instabilité politique, scandale de corruption. On a une phase encore très perturbée qui est inaugurée par l'élection d'un président de droite, Jânio Quadros, en 1960, qui prend ses fonctions au début de l'année 1961, mais qui ne parvient pas à obtenir l'appui de son propre parti au sein du Congrès. Ce qui le conduit à démissionner. Et c'est à ce moment-là qu'arrive au pouvoir le président João Goulart, dont on a entendu le nom dans le reportage. João Goulart, c'est une particularité du régime à l'époque, qui était du parti opposé à celui de Jânio Quadros. Donc c'était un héritier de Getúlio Vargas, une personnalité plutôt progressiste, mais à l'époque on n'avait pas de ticket entre le président et le vice-président au Brésil. Donc on pouvait avoir des candidats de partis tout à fait différents qui étaient élus à la présidence et à la vice-présidence. Alors maintenant, il faut que nous voyons comment ces deux vagues réactionnaires, celle de 1964, vraiment réactionnaire au sens propre, et celle de 2018, peuvent être comparées ou quelles différences on peut installer. C'est le propos de cette émission. Alors ce qu'on peut dire sur 1964, c'est que João Goulart avait un grand projet de réforme sociale, ce qu'il appelait les réformes de base, qui incluait la réforme agraire notamment, et qui faisait très peur à une partie des élites brésiliennes. Donc il y a une grande instabilité politique, je l'ai dit, qui s'est développée à ce moment-là, avec une opposition du Parlement, qui était contrôlée par la droite, et aussi des manifestations, des grèves, qui se développent surtout à partir de l'année 1963, qui font craindre un débordement par les communistes. Donc il y a cette idée d'une menace communiste et d'un gouvernement qui ne serait pas apte à contrôler la situation, qui est à l'origine du coup d'État militaire de fin mars, début avril 1964. Alors que le renversement de Dilma Rousseff, héritière de Lula, peut être défini comme une sorte de coup d'État judiciaire, ou en tout cas juridique, ce qui marque une différence. Mais en même temps, le rebond est présent aussi. Alors si on fait le parallèle avec la situation actuelle, il y a bien sûr d'énormes similitudes. Par exemple, ce sentiment de basculement entre une période faste, qui aurait été les années Kubitschek ou les années Lula, période de progrès social, d'approfondissement démocratique, et le retour d'une vague réactionnaire. L'idée d'une crise multiforme aussi, économique, politique, institutionnelle, avec cette opposition entre le pouvoir exécutif qui porterait un projet plus modernisateur et le Parlement qui serait plus conservateur. Idée aussi d'une crise morale avec ces scandales de corruption qui ont été très importants dans la chute de la présidente Dilma Rousseff. Mais au-delà de ces similitudes, il y a bien sûr des différences fondamentales. On a un coup d'État militaire en 1964. Jair Bolsonaro, il faut le rappeler, a été élu tout à fait démocratiquement avec près de 55% des suffrages. Même si, selon la plupart des analystes, il y a bien eu un coup d'État parlementaire dans la destitution de Dilma Rousseff. Mais c'est un coup d'État qui s'est fait sans démonstration de force et qui a joué plutôt sur les failles ou les imprécisions de la Constitution, qui a été tordue dans un sens qui n'était pas le sien au point de départ, pour pousser la présidente hors de ses fonctions. C'est plus une affaire de procédure parlementaire, alors qu'on ne pouvait pas l'accuser de corruption elle-même. Non, ce n'est pas du tout une accusation de corruption. Dilma Rousseff est tombée, en fait, pour une simple forme de cavalerie budgétaire, qui n'est pas reconnue par la Constitution comme un crime de responsabilité, qui est le seul motif pour engager une procédure de destitution. Et en fait, derrière tout ça, il y a bien sûr une manœuvre politique des grands partis de la droite libérale brésilienne qui ont voulu récupérer le pouvoir de la sorte. Quitte pour cette droite à être éventuellement doublée sur sa droite encore par l'extrême droite. Exactement, puisque ce que n'avait pas, prévu ces partis de droite, c'est d'une part l'ascension de l'extrême droite et de Jair Bolsonaro, et d'autre part la force du dégagisme qui s'est exprimé ces dernières années au Brésil, qui s'est exprimé contre le Parti des Travailleurs de Lula et de Dilma Rousseff, mais aussi contre ces partis de droite qui, au fond, étaient les principales victimes des dernières élections brésiliennes, puisque leur candidat, Geraldo Alckmin, a fait moins de 5% au premier tour des élections, ce qui est tout à fait inédit. C'était un des grands partis qui avait dominé la scène politique depuis le retour à la démocratie dans les années 1980. Et qui portait, semble-t-il, la tradition de la corruption de façon beaucoup plus avérée que ce n'était le cas pour le Parti des Travailleurs. La corruption est en fait une pratique très courante au Brésil, dans le cadre de cette nouvelle République née en 1988. Elle est liée au fait qu'il est très difficile pour le président brésilien de construire une majorité, puisqu'on est dans un cadre fédéral, mais qui n'est pas compensé par l'existence de grands partis, comme aux États-Unis. Donc on a une multitude de partis au sein du Parlement, avec lesquels il faut sans cesse négocier pour construire une majorité. Avec en plus l'absence de financement public pour les élections, ce qui oblige à aller chercher un peu partout l'argent nécessaire. Et donc c'est ce présidentialisme de coalition, comme on le nomme au Brésil, qui a conduit à une forme d'institutionnalisation de la corruption, qui est une pratique qui touche l'ensemble des partis politiques brésiliens. Le Parti des Travailleurs, peut-être un peu moins que les autres, mais comme il était au pouvoir et qu'il y a eu une grande campagne médiatique aussi contre le Parti des Travailleurs, cela a été sans doute plus visible. En tout cas, le parti de Jair Bolsonaro est aussi l'un des partis les plus touchés par les affaires de corruption aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire que la justice a été instrumentalisée largement? Le juge Sergio Moro, qui a mis Lula en prison, a été, c'est pas trop brutal de le dire, récompensé en devenant ministre de la justice de Bolsonaro. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a deux poids, deux mesures, et que cela s'est fait sentir tout au long de la séquence politique, donc qui s'est ouverte avec la destitution de Dilma Rousseff en 2016 et qui a conduit à l'élection de Jair Bolsonaro. Cela s'est fait sentir notamment dans le cadre de l'opération Lava Jato, qui a impliqué des personnalités politiques de premier plan dans des scandales de corruption massifs en lien avec des entreprises de travaux publics, notamment l'entreprise Petrobras. Et cela a été visible surtout au moment du procès de l'ancien président Lula, qui a été condamné sans motif véritablement certain et emprisonné, interdit donc de se présenter à la présidentielle, alors qu'au moment de son emprisonnement, il était le favori de tous les sondages pour cette élection. Et c'est en vain qu'un certain nombre d'anciens chefs d'État ou de gouvernement européens ont demandé au Brésil de le libérer pour que le jeu démocratique fonctionne. Récemment, c'est François Hollande, Enrico Letta, l'Italien, Elio De Rupo, le Belge, Zapatero, l'Espagnol, Massimo D'Alema, autre chef de gouvernement italien, avec Romano Prodi. Cela a provoqué plutôt de l'indignation au Brésil que l'esquisse d'une approbation. Oui, il y a vraiment un fort sentiment anti-PT, anti-Parti des travailleurs qui s'est exprimé ces dernières années et qui est partagé par de larges pans de la société brésilienne, qui explique en partie aussi quelque chose qui est peut-être passé inaperçu dans les médias occidentaux, qui est qu'en dépit de l'extrême polarisation de la vie politique brésilienne aujourd'hui, on a, pour les élections d'octobre 2018, eu 30% de votes blancs, nuls et d'abstention. Donc, un pourcentage quand même important de l'électorat brésilien qui n'a pas réussi à se prononcer, soit en faveur de Jair Bolsonaro, soit en faveur de Fernando Haddad, le candidat du Parti des Travailleurs. Donc des gens qui rejettent le Parti des Travailleurs, mais qui n'arrivaient pas non plus à passer le pas et à aller voter pour Jair Bolsonaro. Donc, Les sondages nous disent, je ne sais pas si le résultat est avéré, ils nous disent que aujourd'hui 75% des Brésiliens continueraient à soutenir Bolsonaro. Je ne sais pas si c'est vrai au moment où nous parlons. Anaïs Fléchet. C'est des sondages, je pense, qui datent du lendemain de l'investiture. Et depuis lors, les choses ont changé. Aujourd'hui, on a très peu de visibilité, mais c'est vrai que la majorité semble plutôt s'exprimer de manière favorable par rapport au gouvernement. Il y a un soutien, mais aussi de nombreuses incertitudes par rapport à ce gouvernement Bolsonaro et de nombreuses inquiétudes de la part de certains secteurs, on en reparlera peut-être. Si on reprend le parallèle avec 1964, c'est un élément intéressant, puisque en 1964, on a un coup d'État militaire, mais qui est aussi soutenu par une partie de la droite parlementaire, dont ce fameux Lacerda, dont on entend le nom dans le reportage, qui était le gouverneur de l'État, qui correspond à l'État de Rio aujourd'hui, soutenu par une partie de la droite parlementaire et soutenu aussi par une partie importante de la population, et notamment qui s'est réunie lors de grandes manifestations, les marches de la famille avec Dieu et pour la liberté, les grandes manifestations qui ont lieu dans toutes les grandes villes brésiliennes en 1964 et qui ont salué l'arrivée de ce régime militaire. Régime qu'on imaginait durer uniquement 2 ans à l'époque et puis qui finalement s'est installé sur une période d'une vingtaine d'années. C'est là qu'on en vient tout droit à la question de la violence et de l'apologie que dans ses propos Bolsonaro peut faire de l'utilisation des armes par les citoyens et de la torture par les autorités. Ce qui renvoie tout droit à la période de la dictature. Écoutez donc ce témoignage d'une jeune femme brésilienne qui a été torturée par le régime. C'est un extrait d'un reportage télévisé qui avait été diffusé sur Antenne 2 le 29 juin 1977. J'ai été arrêtée en 1970 et emprisonnée pendant 4 ans pour raisons politiques. Maintenue au secret pendant 4 mois, j'ai été torturée de façon intermittente par les organismes de sécurité. Ces tortures ont été pratiquées par les militaires eux-mêmes, y compris des gradés ayant rang de commandant, voire de colonel. J'ai été torturée par divers moyens, perchoir de perroquet, choc électrique, système du téléphone et coups divers. Personnellement, et comme tous ceux qui ont été libérés en 1974, ma vie est contrôlée. On surveille mon téléphone, ma correspondance. Cette surveillance est d'ailleurs très ostensible. Ma maison a ainsi été encerclée par l'armée pendant 72 heures. La pression se porte généralement sur la famille, avec l'intention, sans doute, de la terroriser pour empêcher toute dénonciation. Cette pression suit la menace qui nous est faite au sortir de la prison d'être exécutée si nous reprenons une quelconque activité politique. Nous voilà au cœur de cette violence du régime de la dictature. Néanmoins, il faut rappeler qu'il y a eu beaucoup moins de morts que dans l'Argentine voisine. Oui, on compte parmi les victimes officielles de la dictature 450 victimes au Brésil contre 30 000 ou plus en Argentine. Donc beaucoup moins de morts directes causées par le régime militaire au Brésil qu'en Argentine ou au Chili. Mais Le Brésil n'en a pas moins partagé avec ses voisins toute la violence du terrorisme d'État, et ce surtout à partir de 1968, qui est un véritable tournant dans la mise en place d'un régime répressif par la dictature militaire. On voit surgir un sinistre personnage français. Oui, 1968, en fait, pour recontextualiser un petit peu, c'est le moment où, face à ce qui apparaît comme une organisation de la résistance, à la fois des mouvements étudiants ou de la lutte armée, le régime décide de suspendre l'habeas corpus, d'institutionnaliser la torture, comme on l'a bien entendu dans le reportage. C'est ce que célèbre le président d'aujourd'hui avec un mélange de gratitude et de considération. Effectivement. Et pour revenir à 1968, c'est aussi le moment où le régime s'engage dans une guerre anti-subversive dont il emprunte une partie des techniques à l'armée française et notamment au colonel Paul Ossarès. L'armée française de la guerre d'Algérie. De la guerre d'Algérie, de la guerre d'Indochine aussi. Et Paul Ossarès qui est nommé attaché militaire au Brésil en 1973 et qui enseigne dans l'école de Manaus, en Amazonie, ces techniques de la guerre antisubversive à des militaires qui viennent d'ailleurs de l'ensemble de l'Amérique latine. On est vraiment dans la logique de coopération entre les dictatures du cône sud, logique qui donne naissance d'ailleurs au fameux plan Condor de triste mémoire. Il faut rappeler que c'est le même personnage de général Ossarès qui plus tard en France fera profession d'avoir utilisé la torture en Algérie, contrairement à d'autres silences. Oui, et au-delà de l'usage de la torture, il faut voir que son action au Brésil était soutenue aussi en partie par la diplomatie française, puisqu'il y avait toute une diplomatie économique qui était mise en place dès les années 1950, qui visait à soutenir un certain nombre de groupes industriels français liés à l'armement et qui était très reposait en partie sur l'envoi de spécialistes du renseignement français au Brésil et sur un soutien à l'armée brésilienne, soutien de manière assez générale, qui a été bien analysé dans la thèse de Rodrigo Nabucco, notamment. Donc la présence de Ossarès au Brésil n'est pas anecdotique, ce n'est pas un hasard, il y a vraiment un projet qui est porté ici, et puis un impact sur l'armée brésilienne, et en tout cas sur cette lutte contre la lutte armée à partir de l'usage systématique de la torture. Le ressort de l'anticommunisme est très important à l'époque. Aujourd'hui, il est disparu ou au moins distendu. Alors, ce ressort est tout aussi présent aujourd'hui, puisque ce qu'on voit, ce à quoi on assiste dans le cadre de la récente élection, c'est à une renaissance de l'anticommunisme au Brésil, un retour en force de l'anticommunisme, associé cette fois à l'antipétisme, donc à l'anti-parti des travailleurs, et aussi à la menace Maduro, la menace vénézuélienne, l'idée que le Brésil ne doit pas devenir un nouveau Venezuela. Et donc, il y a tout un discours anticommuniste qui revient, qui refait surface, qui est très présent dans toutes les déclarations de Jair Bolsonaro, qui s'exprime notamment à travers la condamnation du marxisme culturel, thèse conspirationniste largement empruntée à la droite états-unienne, qui recouvre nébuleuse qui mêle le politiquement correct, le socialisme, le multiculturalisme, le féminisme, etc. La théorie du genre, enfin, ou la supposée théorie du genre. Et donc, on a des attaques en règle contre le marxisme culturel, avec cette idée que, certes, les communistes auraient été battus avec la fin de la guerre froide sur le plan politique ou économique, mais que, sur le plan culturel, ils domineraient le monde, enfin, en tout cas le Brésil, et que, donc, il y aurait une nécessité pour le gouvernement d'extirper cette idéologie du pays. Cuba, naturellement aussi, l'image de Cuba joue un rôle important, puisque on observe que un bon nombre de médecins cubains, 7500, seraient retournés de gré ou de force dans leur pays en laissant des déserts médicaux. Oui, l'image de Cuba est un vrai repoussoir et ce départ des médecins cubains en est un bon exemple. L'image de Cuba était d'ailleurs un vrai repoussoir pendant la dictature entre 1964 et 1985 aussi, puisque c'est bien pour que le Brésil ne devienne pas un nouveau Cuba que les États-Unis ont non seulement soutenu, mais presque fomenté ce coup d'État militaire au Brésil. Quelques années avant le rôle qu'ils ont pu avoir dans la chute d'Allende, mais ceci est une autre histoire, ou presque une autre histoire. Les relations, évidemment, de la dictature avec les médias méritent d'être évoquées aussi, c'est-à-dire tout simplement la question de la censure. Et pour aborder ce chapitre de notre conversation, Anaïs Fléchet, je vous propose d'écouter cette chanson de Chico Buarque qui s'appelle « Calice » de 1978, qui est consacrée précisément à la censure. Nous l'entendons et après, si vous le voulez bien, vous la commentez. France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeanneney. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta. Mesmo calada a boca, resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra, outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta. Pai, pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dano. Quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Esse silêncio todo me atordoa. Atordoado eu permaneço atento na arquibancada pra qualquer momento ver emergir o monstro da lagoa. Pai, pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Divino. Alors, Anaïs Fléchet, que nous dit cette chanson et pourquoi a-t-elle rencontré tant de succès à l'époque, 78, et ensuite? Alors, ce que nous dit cette chanson, déjà le titre, Calici, c'est le calice en portugais, si on l'écrit en un seul mot. Mais si on le décompose, Calici, ça veut dire tais-toi. Donc, c'est un jeu de mots. C'est un jeu de mots. C'est un jeu de mots qui visait à dribbler la censure, comme on le disait à l'époque, avec d'ailleurs une analogie entre le jeu des footballeurs brésiliens et celui des artistes. Dribbler la censure, pourquoi ? Pour dénoncer ce silence, cette chape de plomb qui s'était abattue sur le Brésil à partir de 1968 et sur l'ensemble des moyens de communication. Donc, Calici, c'est une chanson qui est essentiellement dédiée à cette thématique et qui est tout à fait caractéristique de cette production culturelle très forte, notamment dans le domaine musical de la période de la dictature. C'est une chanson qui, à mon avis, résonne aussi particulièrement aujourd'hui, puisque certains craignent le retour d'une censure, morale et d'une censure politique qui s'est exprimée à plusieurs reprises ces dernières années. Par exemple dans l'interdiction d'une exposition d'artistes queer, ou plus récemment au Festival du film de Berlin, le réalisateur Wagner Moore, qui présentait son film Marie Gell, donc une sorte de biopic consacré à la vie du guerriero Carlos Marie Gell, qui a été tué par la dictature en 1969. Wagner Moura expliquait qu'il n'avait pas trouvé de distributeur pour son film au Brésil et qu'il craignait que son film ne puisse jamais être montré dans son propre pays. Donc, des actes qui font craindre le retour de la censure, même si, dans ces affaires, les autorités constituées ne sont pas en première ligne. Ce sont plutôt des groupes d'extrême droite, issus de la société civile, qui font pression, ou alors une frilosité peut-être de certains groupes ou de certains secteurs des industries culturelles. Est-ce que vous iriez jusqu'à rapprocher les méthodes de la censure, de ce qui était imposé par la dictature, avec les tours et les détours des infox, des fake news, qui ont joué un grand rôle dans le succès de Bolsonaro, nous dit-on, et qui ont en particulier pesé sur la campagne de Haddad, dont vous nous avez rappelé que Lula étant prisonnier, c'était lui qui avait porté les couleurs du Parti des Travailleurs. Il s'agit, à mon avis, de deux problématiques relativement différentes, même si, bien sûr, on est dans la question des médias et dans la question du culturel et de l'opinion publique. Ce qui s'est passé au moment de l'élection présidentielle récente, en octobre 2018, et notamment tout au long de la campagne en amont, c'est l'utilisation massive du réseau social WhatsApp, ce qui est d'ailleurs complètement inédit à l'échelle internationale. C'est lié au fait que ce réseau est très développé au Brésil. Je crois que le Brésil est le deuxième pays en nombre d'utilisateurs de WhatsApp, juste après l'Inde. Et donc, utilisation de ce réseau par des secteurs proches de Bolsonaro pour l'envoi de milliers et de milliers de messages visant à discréditer le Parti des Travailleurs et notamment Fernando Haddad. Alors parmi ces messages, par exemple, on avait des messages montrant, alors des montages bien sûr photographiques, montrant Haddad distribuant ce qu'on appelle au Brésil le kit gay, c'est-à-dire en fait des biberons avec des tétines en forme de pénis, distribuant ça à la sortie des écoles. Donc suspecté de promouvoir l'homosexualité auprès des plus jeunes enfants. D'autres messages montraient Haddad à côté d'une jeune fille avec un sous-titre « Il l'a violée ». Enfin, on est vraiment dans une manipulation très grossière, mais qui a eu un certain impact parce qu'elle a été diffusée à grande échelle, avec d'ailleurs des financements illicites qui ont été dénoncés au moment de la campagne. Et qui sont vraiment à la limite de la légalité et qu'il faudrait peut-être explorer davantage aujourd'hui, mais qui ont pesé sur le résultat de l'élection et peut-être d'ailleurs notamment auprès de l'électorat évangélique, puisque l'électorat évangélique a joué un rôle important dans le résultat de l'élection et dans la victoire de Jair Bolsonaro. Oui, nous allons parler du poids de la religion, mais il est intéressant d'insister encore un moment sur cette propagande au sens propre et actionnaire. Je veux dire l'hostilité au féminisme et l'hostilité aux homosexuels étant évidemment essentielle dans le discours de Bolsonaro, comme il l'était au temps de la dictature. Oui, bien sûr, et cette question morale était associée très clairement avec la question politique. On a les deux pôles qui étaient sans cesse entremêlés. Sur la question des médias, il faut bien voir aussi que les grands groupes de presse ont appuyé le coup d'État parlementaire contre Dilma. Même des journaux comme Folha de São Paulo, qui aujourd'hui s'en mordent les doigts et qui sont passés dans une sorte d'opposition à Jair Bolsonaro. Et à cet égard, on a un vrai parallèle avec la période de la dictature militaire où les grands médias brésiliens ont prospéré à la faveur du régime. Le grand réseau médiatique d'influence qui a été Globo, qui a été précisément fondé au début de la dictature, mais avec un grand succès, a pris à l'époque, avec beaucoup d'élan, la défense des militaires au pouvoir. Et écoutez cet échantillon. C'est un extrait d'un reportage de propagande qui a été diffusé par la télévision Globo en 75 et qui peint la situation du Brésil avant le coup d'État sous les couleurs les plus sombres. C'est un extrait du documentaire Brésil, vérité sur la dictature de Michel Pomared qui avait été diffusé dans la fabrique de l'histoire d'Emmanuel Laurentin sur France Culture le 5 janvier 2016. À peine 11 ans. Il y a de cela peu de temps, 11 ans en fait, le Brésil traversait une de ses pires crises. Nombreuses grèves à répétition, menaces de guerre civile, chaos presque incontrôlable, détérioration économique et financière, indiscipline dans les casernes militaires, une inflation galopante qui poussait à la hausse chaque semaine les prix de toutes les denrées. Le pays vivait des moments terribles. Les jeunes aujourd'hui ne se souviennent pas de cela. Ils étaient encore enfants alors. Nous étions dans un contexte d'incertitude. Le Brésil est un pays infirme. Voilà ce qu'on disait de nous à l'étranger. Bientôt, ce sera une nouvelle Indochine. Le géant est à genoux. Voilà quelle était l'opinion générale il y a 14 ans. Aujourd'hui, Globo n'est pas dans le camp de Bolsonaro. Non, Bolsonaro est très critique vis-à-vis du groupe Globo parce qu'il s'appuie essentiellement sur un groupe concurrent, Record, qui est un groupe médiatique porté par des évangéliques qui sont des fervents soutiens de Bolsonaro. Quelle est la part de l'écologie dans tout cela? L'affirmation par Bolsonaro, ce n'était pas un thème majeur au temps de la dictature, de sa méfiance à l'égard de tous ceux qui prétendent défendre la nature, ce qui évidemment implique aussi en conséquence une attitude fort négative en direction des Amérindiens. On voit augmenter très rapidement le nombre des défrichements de la forêt amazonienne. Bolsonaro a en fait repris l'idée d'un développement à tout prix du Brésil, sans aucun respect pour l'environnement, ou plutôt au mépris total des questions environnementales. Il s'est exprimé d'ailleurs à de nombreuses reprises sur le sujet. Le Brésil a renoncé à organiser la COP25, par exemple. On a des incertitudes aussi sur le maintien du Brésil dans l'accord de Paris. Est-ce que cela le rapproche, entre autres ressorts de Trump? Il y a des parallèles qui s'expriment ici. D'ailleurs, Bolsonaro est souvent qualifié de Trump tropical. Sur la question de l'environnement, pour y revenir, il faut bien savoir que le secteur de l'agrobusiness a été un élément fondamental des soutiens à Bolsonaro. Et donc, le ministère de l'Environnement existe toujours aujourd'hui, mais il a été vidé, en quelque sorte, de sa substance, puisque le service des forêts, par exemple, est passé sous la tutelle du ministère de l'Agriculture, qui est contrôlé par l'agrobusiness. Et donc, des questions essentielles comme la démarcation des terres indiennes ou la question des forêts, on a tous en tête l'immense enjeu qui est celui de l'Amazonie, sont passées sous le contrôle de l'agrobusiness, et ce, associé à toutes les déclarations climato-sceptiques à l'emporte-pièce des différents ministres du gouvernement qui voient dans le discours actuel sur le réchauffement climatique, une sorte de complot gauchiste contre le Brésil en particulier, en lien avec cet enjeu très important de l'Amazonie, vont tous dans le même sens. Oui, nous avions consacré ici, il y a quelque temps, une émission à ces questions de l'Amazonie avec Stéphane Rostin, qui allait bien dans le même sens, d'une angoisse sous l'effet de ces coups de boutoir. Oui, d'une angoisse au niveau des questions environnementales, dont on a vu, ne serait-ce qu'avec la catastrophe récente du barrage de Brumadinho, toute l'importance qu'elles peuvent avoir au Brésil, mais aussi une angoisse pour le sort de ces populations amérindiennes, qui, comme les paysans sans terre, qui vivent dans des endroits plus reculés, sont un peu loin des médias et peuvent peut-être ou pourront peut-être être les premières victimes du bolsonarisme. Il y a aussi l'idée d'une route transamazonienne qui aurait des conséquences très néfastes sur la nature. Oui, et là, on retrouve un certain nombre de choses qui ont été mises en place sous la dictature militaire, dans ce projet du Grand Brésil, qui était celui des militaires brésiliens dans les années 1960 et 1970, avec la construction de ces infrastructures, la route transamazonienne, les barrages hydroélectriques dont je parlais à l'instant, mais avec quand même une différence importante qui est que les soutiens de Bolsonaro aujourd'hui, et notamment les militaires, sont devenus des adeptes du libéralisme. Et donc on est dans un projet qui se situe à la conjonction entre les intérêts militaires et les ultralibéraux. Le Chicago Boy pullule à Brasilia. En tout cas, ils sont bien représentés par le super ministre de l'économie, Paulo Guedes, qui a été un des artisans de la victoire de Bolsonaro, puisqu'il a permis en fait, de construire la candidature de Jair Bolsonaro comme une alternative crédible pour les milieux d'affaires brésiliens. Et c'était différent du temps de la dictature ? Il y avait un projet développementaliste qui était plus lié au secteur de l'État, à un développement des structures étatiques, qui n'allait pas forcément à l'encontre des intérêts des milieux d'affaires, bien au contraire, mais qu'on ne retrouve pas en tant que tel aujourd'hui au Brésil. Vous évoquiez il y a un instant, Anaïs Fléchet, vous évoquiez le rôle des évangélistes. Il faut que nous disions un mot des relations entre le gouvernement, l'État et la religion dans les années de la dictature comme aujourd'hui. Quelle a été l'attitude de l'Église catholique dans les deux occurrences ? Pendant la dictature militaire, l'attitude de l'Église catholique a finalement évolué dans le temps. J'ai cité tout à l'heure les marches de la famille avec Dieu pour la liberté. Donc il y a eu toute une partie du Brésil catholique qui s'est mobilisée en faveur du coup d'État dans un premier temps. Mais très vite, l'Église a évolué vers une position critique vis-à-vis de la dictature et notamment à partir des années de plomb, de ce tournant des années 1970, vers une dénonciation répétée de la torture, avec des grandes voix de l'Église brésilienne qui se sont fait entendre à cette époque, comme Dom Helder Camara, l'archevêque de Recife et Olinda, et une des grandes figures de la théologie de la libération. Fort écouté à Rome d'ailleurs, à l'époque. Oui, il avait participé au concile. C'était une voix très connue en Europe, celui qu'on surnommait l'évêque des favelas. Il a fait de nombreuses tournées de conférences pendant la dictature pour dénoncer l'usage de la torture à Paris, dans d'autres pays européens, aux États-Unis, au Japon, ce qui lui a valu d'ailleurs d'être censuré par le régime. À partir de 1970, on ne l'a plus du tout entendu dans les médias brésiliens. Eh bien, l'archive que je vous propose, où nous allons l'entendre, cet archevêque rouge, Dom Helder Camara, remonte au 26 avril 68, c'est-à-dire aux dernières années de sa libre expression. C'est un extrait d'Interactualité. Je suis appelé un archevêque rouge parce que si on reste dans l'assistentialisme, si on se contente de distribuer des vêtements, de la nourriture, de la médecine, très facilement, on est appelé même un saint. Mais lorsqu'on arrive à découvrir que cela ne suffit pas, qu'il nous faut aider les masses à devenir un peuple, qu'il faut, permettez-moi le néologisme, conscientiser les masses, alors ils ont l'impression que c'est la subversion et le communisme. Quel commentaire, Anaïs Fléchet, de cette voix prestigieuse ? C'est une voix qui a longtemps porté au Brésil et à l'international et qui est vraiment caractéristique de cet engagement d'une partie de l'Église et de la théologie de la libération à l'époque. Il y a eu d'autres grands noms, par exemple l'archevêque de São Paulo, dont Evaristo Arns a beaucoup fait dans cette dénonciation de la torture et des méfaits de la dictature. Et d'ailleurs, il y a une commission qui a été créée il y a quelques semaines au Brésil pour la défense des droits humains et qui a repris son nom, la commission Arns, qui réunit des anciens ministres, des intellectuels de renom pour dénoncer les éventuelles atteintes aux droits humains dans le Brésil de Jair Bolsonaro. Dans le champ des religions, il y a une grande différence entre le temps de la dictature et l'époque actuelle, c'est l'essor de l'évangélisme. Madame Bolsonaro est évangéliste, on dit qu'elle aurait demandé d'enlever les saints catholiques du palais présidentiel et qu'elle serait très méfiante aussi à l'égard des rituels traditionnels des religions populaires. Oui, Bolsonaro s'est affirmé auprès de sa femme, auprès de pasteurs évangéliques, au moment de la campagne, au lendemain des élections. Il s'est fait baptiser dans les eaux du Jourdain, relativement récemment, donc il a bien compris tout le potentiel politique des églises évangéliques, qui toutes ne se situent pas à droite de l'échiquier politique aujourd'hui, mais qui, dans leur majorité, assument des positions très conservatrices sur les questions sociales et sociétales, et qui surtout se sont structurées au Congrès avec un lobby, ce qu'on appelle la Bancada Evangélica, qui est très actif depuis les années 2000, et donc qui a constitué un nouveau terreau pour l'extrême droite ultra-conservatrice qui a porté au pouvoir Jair Bolsonaro. Il faut d'ailleurs peut-être préciser que dans le gouvernement même de Jair Bolsonaro, on a une pasteur évangélique, qui a été nommée ministre des droits humains, des droits de la femme et de la famille, et qui affirme avoir vu Jésus apparaître à plusieurs reprises, je crois deux fois, auprès d'un goyavier. Donc, ça ne vous paraît pas sûr ? peut peut-être le mettre en doute. On ne peut pas clore cette conversation, Anaïs Fléchet, sur des rebonds entre la période de la dictature au Brésil et notre temps contemporain, sans se demander si les références que Bolsonaro peut faire, positives à ce temps-là, qui jusqu'à présent apparaissaient assez sombres, pour ne pas dire sinistres, s'explique par le fait que le pays n'a pas vraiment soldé la mémoire de cette période. C'est une question compliquée, mais c'est vrai que la mémoire de la dictature est un enjeu de débat au Brésil. En fait, il y a eu toute une période de transition qui s'est ouverte à partir de 1975 avec une réorganisation des mouvements sociaux, une forme d'ouverture progressive du régime militaire. Et donc, entre 1978 et 1985, on a une période d'ouverture assez mal connues encore, avec des forces tout à fait contradictoires qui se sont exprimées. Avec le choix de l'amnistie en définitive, comme en Espagne. Et c'est en 1979 qu'est adoptée une loi d'amnistie. Loi d'amnistie qui a été saluée à l'époque parce qu'elle a permis le retour des exilés politiques, mais loi d'amnistie à double tranchant puisqu'elle amnistiait aussi et en parallèle les responsables des crimes de la dictature. Et donc, en fait, cette loi d'amnistie s'est transformée dans le temps en une loi d'impunité pour les anciens tortionnaires, par exemple. Impunité pour les militaires et impunité mémorielle, en quelque sorte, pour cette dictature qui peut ressurgir avec un nouvel habit plus positif dans la mémoire actuelle. C'est un beau sujet d'histoire comparatiste si l'on rapproche ce cas des autres pays voisins, l'Argentine, le Chili, mais aussi le Cambodge, l'Afrique du Sud, le Rwanda, etc. Anaïs Fléchet, merci beaucoup. Merci. Vous nous avez donné en 2013, chez Armand Collin, un livre qui s'intitule « Si tu vas à Rio », allusion naturellement à Dario Moreno, et à Dalida, si tu vas à Rio, avec un sous-titre plus universitaire, la musique populaire brésilienne en France au XXe siècle. Vous nous annoncez apparaître une histoire culturelle du Brésil contemporain, que nous attendons avec impatience. Vous avez évoqué en passant Maud Chirio, une autre maître de conférence spécialiste également de l'Amérique latine. Son livre s'intitule « La politique en uniforme, l'expérience brésilienne 1960-1980 », exactement notre sujet de ce matin, paru aux excellentes presses universitaires de Rennes en 2016. Et puis, je voudrais également vous renvoyer au livre d'Armel Anders, « L'histoire du Brésil », un regard plus large, paru chez Chandaigne en 2016, ouvrage également très utile. Vous pourrez trouver une bibliographie plus complète sur notre site, vous le savez, mes chères auditrices, mes chers auditeurs, ainsi que les références et documents sonores que nous avons utilisés. Et vous pourrez également écouter, réécouter et podcaster cette émission. C'est un cadeau pour vous, Anaïs Fléchet, vous qui aimez beaucoup Chico Buarque. C'est une autre chanson de lui, Amanhã Vai Ser Outro Dia. Demain sera un autre jour, une chanson de 1978. Et c'est dans cette ambiance sonore que je vous annonce, que je vous rappelle qu'il s'agissait de Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Jeanne Guéroux, réalisée par Yaël Mandelbaum, avec à la prise de son Florent Bujon, à la discothèque Nathalie Rouvillain, pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel Gwen Michel, et pour nous appuyer, la collaboration toujours vraiment précieuse de la documentation et de la bibliothèque de Radio France. Je les salue et je les remercie. Eu pergunto a você onde vai se esconder da enorme euforia. Como vai proibir quando o galo insistir em cantar?